Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quand viendra la fin du pèlerinage que Dieu m'avait assigné, le bon combat jusqu'au bout du voyage, la foi en toi je garderai. Quand tu l'auras décidé, vers toi Jésus j'irai. Ma place sera préparée près de toi, ô bien-aimé. Avec les années s'additionne mon âge, à toi je demeure attaché. Même si les gens n'aiment pas mon langage, toujours je veux te louer. Quand tu l'auras décidé, vers toi Jésus j'irai. Ma place sera préparée près de toi, ô bien-aimé. Je suis serviteur du plus grand des maîtres fidèles, je veux rester. D'ici le jour de la grande fête, ton salut j'annoncerai. Quand tu l'auras décidé, vers toi Jésus j'irai. Ma place sera préparée près de toi, ô bien-aimé. Quand tu l'auras décidé, vers toi Jésus j'irai. Ma place sera préparée.